Telling You, avec Marie et Francis. Vous aurez du blues, vous aurez du rock, vous aurez du blues rock. My pretty baby, she's the way I dream. Pretty little thing you ever did see. My baby knows how to dress so neat. Chers auditeurs, bonsoir. Vous êtes bien sur RQC 95 FM dans l'émission Telling You, avec moi comme tous les jeudis, Francis Omanette. Oh bah oui qu'on est bien sur RQC. Oui, mais de ce temps-là, moi je dis on serait mieux à la mer avec le petit vent qui fait du bien. Le petit vent qui rafraîchit. Oui. Bref, on ne va pas se plaindre, il fait beau, c'est le mois de juin depuis aujourd'hui et nous sommes très contents d'être avec vous ce soir à Telling You avec encore pas mal de dates d'agenda, des nouveautés, des coups de cœur. Et nous allons commencer ce Telling You ce soir avec un hommage à Greg Allman qui nous a quittés ce 27 mai. Il aurait eu 70 ans en décembre 2007. Greg Allman est l'un des membres fondateurs du Allman Brothers Band. Il était au chant, son frère Duane à la guitare. Je vous propose de l'écouter sur un titre tiré de son album Searching for Simplicity. Voici Greg Allman. None of this would have happened. Et voilà, bye bye Monsieur Greg Allman. On continue ce Telling You avec de l'agenda, pas mal de festivals encore pour ce mois de juin et surtout ce très bon festival, le More Blues Festival qui a lieu là ce vendredi 2 juin, samedi 3 et dimanche 4 juin. C'est à Zottegem, vendredi à partir de 18h, samedi à partir de 15h, ces deux journées-là sont gratuites et dimanche à partir de 11h et cette journée-là est au prix de 15 euros. Alors, vendredi, samedi, vous pouvez voir entre autres Hideaway, Yost de Lang, Derek and Steven de Bruyne et Johnny Mastro and the Mama's Boys, donc qui seront la tête d'affiche de ce samedi 3 juin. Johnny Mastro and the Mama's Boys, que l'on écoute sur Whiskey Judgment Day. Voici Johnny Mastro and the Mama's Boys. Le 2, Francis. Oh, Johnny Mastro and the Mama's Boys sont donc la tête d'affiche du samedi 3 juin du More Blues Festival. Je vous le répète, cette journée commence à 15h et c'est gratuit. La veille, le vendredi 2 juin, ça commence à 18h, c'est gratuit et la tête d'affiche est Yost Delange. Et dimanche 4 juin, c'est au prix de 15€, ça commence à 11h, c'est toujours à Zottegem. Et on y retrouvera entre autres Guy Verlinde and the Houseworkers. Alors je vous ai choisi deux titres de leur dernier album qui s'appelle Ho Ho Ho. On va d'abord écouter un instrumental, Jungle Fever, puis Let's Get It On. Nothing but yourself, and cover me like no one else. Still gets me high after all this time, 'cause your loving is the greatest kind. Let's get it on. Oh yeah, let's get it on. My sweet babe, let's get it on. Oh, we're gonna shake it till the break of dawn. We shook last night and the night before, but you can always shake some more. I'm ready for you, time after time, 'cause your loving is the greatest kind. Let's get it on. Oh yeah, let's get it on. All night long, let's get it on. Oh, oh, we're gonna shake it till the break of dawn. We'll be right back. excuse for keeping us from doing what feels so good. So come to me one more time, 'cause your loving is the greatest kind. Let's get it on. Et voilà donc pour le More Blues Festival 2, 3 et 4 juin à Zottegem, donc en Belgique. Le samedi 10 juin aura lieu la Nuit du Blues à Fleurus. Ce sera à l'ancienne abbaye de Soleilmont avec Tommy Green and the Blues Machine, Voodoo Casino, Bow Evil Band, Harp 4, Lazy Louis, Walter Bros and the Mercenary et Vacation. Tout ça commence à 14h pour le prix de 15 ou 20 euros. Alors les Harp 4, c'est le concept créé par Big Dave, Steven De Bruyne, Steven Truck et Baby Paul. Donc c'est quatre harmonicistes. Ils jouent chacun leur tour, puis ils font des duos et ils font une finale explosive en deuxième partie à 4 sur scène. Ça donc c'est pour les Harp 4. Et il y a également sur cette Nuit du Blues à Fleurus, Bow Evil Band et Walter Bros and the Mercenary, deux groupes que l'on écoute de suite. But I found myself crawling in the dirt. Just give me something, a bit of air. Just give me something to drink. Please give me a full glass of water. I need you, you to soothe my anger. I took my time in the wilderness, but there is something here I must go. I know now how to deal with the loneliness. 'Cause it's downtime. Cause it's downtime. Et l'on a écouté dans un premier temps Bowieveland Band, A Time in the Wilderness, tiré de leur album Son of Pride, sorti en 2015, et à l'instant Downtime, Walter Bros and the Mercenary, tiré de leur album Moving Up. Je rappelle que ces deux groupes sont à l'affiche de la Nuit du Blues de Fleurus le samedi 10 juin, Nuit du Blues qui commence à 14h. Bowieveland Band pour les amis français est également sur la scène du Croque-Note de Martinsart, c'est près de Seclin, donc dans le nord de la France, le vendredi 9 juin. On continue avec Blues Pills. Baby, stay Et l'agenda de ce soir nous a permis d'entendre des styles vraiment différents. Blues Pills et son blues psychédélique sera au Splendide de Lille le vendredi 9 juin. Bien sûr, il reste encore plein de dates de concerts au mois de juin, au mois de juillet, au mois d'août. Et toutes ces dates de concerts, vous pouvez les retrouver sur notre site internet piqueblues.fr. Il est presque 19h, vous êtes toujours sur RQC 95 FM dans l'émission Telling You. Et je vais demander à Francis ce qu'il nous a ramené de beau dans sa besace pour ce soir. Oui, de beau et de bon. Il s'agit de Monsieur Mickey Free, qui sort un album ici en ce début d'année, milieu d'année même, puisqu'il est disponible depuis mai 2017. Monsieur Mickey Free est un chanteur-guitariste américain qui profondément versé dans la soul music, puisqu'il a appartenu pendant une dizaine d'années à un groupe de rhythm and blues, ce groupe qui s'appelle Shalamar. Ensuite, il a quitté pour se construire une carrière solo sous l'aile protectrice, si vous voulez bien, l'aile protectrice de monsieur... Attendez, je cherche son nom. C'était un musicien du groupe Kiss, Gene Simmons, voilà, du groupe de hard rock Kiss, des années 70, là, qui jouait complètement maquillé, non reconnaissable. Bref, Mickey Free, comme libre, Mickey Free, nous propose un nouvel album, 11 titres, avec des nuances, rhythm and blues, soul, funk, rock, très très varié, très très agréable. Cet album s'appelle Tattoo Burn Redux. Il est d'ailleurs copieusement tatoué, Mickey Free. On va écouter tout de suite un premier titre, Tattoo Burn, Mickey Free. We'll be right back. Voilà, Mickey Free, avec des petits Roland de Texas Blues à la ZZ Top, n'est-ce pas ? Ben, c'est normal parce que Billy Gibbons, enfin tout le monde se connaît dans ce milieu, comme en plus Mickey Free, il est plutôt versé, je vous disais, dans le au départ dans la soul music, mais quand même très teinté blues rock. Et, bon, Billy Gibbons fait partie de la sphère musicale qui tourne autour de lui. Et je vous ai pas dit non plus, c'est que Monsieur Mickey Free, eh ben, c'est un natif américain, si on peut dire, pure souche, puisqu'il est Comanche et Cherokee. Ah oui. Voyez-vous, ces pauvres gens qui ont été allègrement décimés par les colons anglais. Voilà. Bon, comme les bisons d'ailleurs. Bref. Mais il est très, enfin, très agréable, cet album Mickey Free Tattoo Burn Redux, qui est sorti chez Dark Idol Music. Je vais vous en proposer un deuxième, tiens, de ce rock guitare héros Mickey Free. Ce titre, c'est There's a Hole in the Heart of the Blues. Tiens, tiens, il y aurait un trou dans le cœur du blues. C'est lui qui le dit. Un petit clin d'œil très appuyé à monsieur Jimi Hendrix. C'était Mickey Free, un de mes coups de cœur de cette année. Tiens, on va le mettre dans ma boîte à coups de cœur. Et toi, Marie, ce serait quoi là le prochain coup de cœur ? Alors, le prochain coup de cœur est également, enfin, fait partie des nouveaux albums de cette année, bien que je vous en ai déjà parlé. Il s'agit de Golden Boy, dernière sortie de Watermelon Slim qui est paru donc chez Dixie Frog dans la petite rubrique Borderline Blues. Watermelon Slim, j'aime beaucoup sa musique, j'aime bien le personnage, c'est quelqu'un de vraiment très sympathique et très abordable. On l'écoute sur Mean Streets. That lady in the street pushing her old broke down grocery cart. She ain't got nobody to meet, just surviving with a broken heart. And who's that veteran in the alley, handshaking from the cold and wide? People there, your mothers and your fathers, but for God they might be mine. Have you ever been homeless? Have you ever been out on them mean streets before? Have you ever drifted from door to door? Rents are high, 15-year-old mothers have a hard, hard time. Babies don't get fed and young mothers turn to crime. When you got no place to call your own, nowhere to go. Two knives, bars, and battle scars. God knows why so. But don't never let me go back out on them mean streets again. A hypodermic needle pointed right at a young man's heart. Been a notchy kid since he was 10, an outcast from the start. And he sells his eyes and he kills his soul just to keep on getting high. Somebody throw him a life preserver. While he's still alive, we ought to try. But we got everything we need to end this destination for good. And we could give everybody a home if we only would. Yeah. Well, well, well. Mean streets. You better watch yourself out on that mean streets. Et voilà donc Mean Streets, tiré de l'album Golden Boy de Watermelon Slim. Je continue avec Nasser Bendadou ou Atman Session. Il vient de faire la sortie il y a peu un EP 4 titres. Je vous propose de l'écouter sur Long Way Home. It's a long way home, baby, I gotta go. It's a long way home, baby, it's time to go. You treat me so bad, you make me mad. It's a long way home, now it's time to go. Baby, It's a long way home. Baby, it's time to go. You treat me so bad. You make me mad. It's a long way home. Now it's time to go. Peut-être avez-vous rencontré Nasser Bendadou puisqu'il était le 8 octobre au Festival d'harmonica de Liège. Quelques dates encore en France, mais rien pour l'instant en Belgique. Et puis sûrement ce EP annonce un nouvel album et je suis pressée de le recevoir. Enfin, je l'espère en tous les cas. Nasser Bendadou qui est un artiste français. Francis, tu vas continuer avec une nouveauté. Avec également, des artistes français. Également un groupe français. Ouais. Oui. Son 5 de Montpellier. Donc. Oh, Mazette. Une moto. Il y en a un qui tire la bourre là dans la rue. Oui, ils sont de Montpellier, donc ce sont des Montpellierins. Il y a quoi ? Il y a Jessica Aquet au chant, une demoiselle. Il y a Laurent Galichon à la guitare, Serge Osier au clavier, Denis Bourdi à la basse et Nico Saran à la batterie. Et qui sont-ils ? Eh bien, ce sont les Red Beans and Pepper Sauce. Donc ça doit piquer un peu la musique, non ? Les haricots rouges à sauce poivre. Bah, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'inspiration rock, rock blues, du vrai bon classique rock teinté de blues. Ouais, voilà. C'est les Red Beans and Pepper Sauce qui s'inspirent des classiques rock et qui proposent un mélange brûlant, disons brûlant, oui, ben voilà, Pepper Sauce, hein, brûlant de rock et de blues saturé. Et leur album qui va sortir dans quelques mois, courant septembre, s'appelle Red, comme la couleur rouge de leur album. Et ça annonce donc une musique bien chaude. On va écouter tout de suite un premier titre. C'est No Scent Today, Red Beans and Pepper Sauce. Since Je vous l'avais dit, elle est très épicée, cette musique. Hein. En fait, c'était Bad Quartermoon, c'est le titre qui ouvre cet album et qui ne donne pas son nom à l'album, comme souvent. oui, c'était Red Beans and Pepper Sauce. Et oui, c'est des Français. Ouais. Eh bien, on va en passer à un autre hein, de ce très bon album qui s'appelle Red, des Red Beans and Pepper Sauce. Ils font, ben voilà, oui, c'est chaud, c'est épicé, ça fait du bien, c'est pas moi qui le dis, c'est les magazines spécialisés. Et ils seront dans toute la France cet été, en juin, juillet, août, il y a plein de dates, à Marne-la-Vallée, à Saint-Pierre-de-Chartreuse, à Saint-Jean-du-Pin, Ambrault, Magalas, Vacquières, Sérignan, Lodève, Agde, Béziers, Montpellier, Dieu le fit, et même en octobre à Assen. Aux Pays-Bas. Ah, c'est... donc j'allais justement dire, faudrait qu'on réussisse à ce qu'ils viennent en Belgique. Oui, ben en octobre, ils seront aux Pays-Bas. Ah. Voilà. Et peut-être que... C'est sur la route, la Belgique. C'est sur la route, oui. Allez, on va en écouter un deuxième titre. Ici, on est peut-être un peu plus influence blues avec un petit peu de guitare, slide, dobro, et puis un peu d'harmonica. On écoute Dead Spell. Red beans and pepper sauce. C'est bien, hein. Ah ouais, c'est bien, oui. Red beans and pepper sauce. Alors, si vous voulez plus d'informations, eh ben, ces gens-là, ils ont un site. Hein, c'est www.redbeansandpeppersauce.com. And A-N-D. Ou, and le, A-N-D. Ou le petit non, signe. Oui, oui, là. A-N-D, A-N-D. Oui, oui. Pas le petit signe. Comment ça s'appelle ? Esperluette, c'est pas celui-là, mais je crois. Oui, Red Beans and Pepper Sauce. Et puis, bon, allez, on s'en fait un petit troisième. Hein. Le titre, là, c'est The Black Panther. Alors, The Black Panther, c'est peut-être, c'est peut-être la chanteuse. La chanteuse, mm-hmm. à peu près tout, parce qu'elle est un petit peu black et un petit peu panthère. Jessica Ake. Jessica Ake. On écoute, allez, Black Panther, Red Beans and Pepper Sauce. Yeah. C'était la Black Panther, la voix de Jessica Ake au sein des Red Beans and Pepper Sauce. Une voix féminine qui en chasse une autre, n'est-ce pas Marie ? Eh oui, on va continuer avec... j'ai ramené également quelques disques où les dames sont à l'honneur. Je vais commencer avec une anglaise, elle s'appelle Joan Shaw Taylor. C'est une jeune guitariste chanteuse. Son dernier album s'appelle Wild et voici Ready to Roll. Et après Joan Shaw Taylor et donc son nouvel album Wild, je vous emmène en Finlande pour y retrouver une autre jeune guitariste chanteuse qui s'appelle Erja Littinen. Son album sorti en 2008 s'appelle Grip of the Blues et voici Inner Beauty. Thank you. got your mama's figure made in heaven. Hey, you sweet angel, look what you got. Perfect toes and fingers going up. Après Erja Littinen, Francis, on continue avec encore une dame et une autre découverte. Oui, la dame c'est Cathy. Cathy and the Kilowatts. Alors Cathy, c'est Cathy Murray qui chante et qui compose, parce qu'il y a combien ? Il y a une flopée de titres là-dessus. Il y a 15 titres sur cet album, plus 3 bonus. C'est vous dire si c'est du lourd. Cathy and the Kilowatts. Alors je vous disais Cathy Murray au chant et à la composition. Et puis, The Kilowatts, qui sont derrière, à la guitare, au cuivre, à la batterie, à la basse. Et parmi les Kilowatts, il y a David Murray, qui est le petit frère de Cathy Murray, qui est au chant. Oui, parce que la première fois qu'ils ont vu un groupe sur scène, Cathy dit elle avait 16 ans, c'était à, parce qu'ils viennent du Texas, hein, c'était à Austin, Texas. Elle avait 16 ans, son frère en avait 14. C'était une soirée où il y avait Jimmy Vaughan, il y avait Stevie Ray and the Nightcrawlers, il y avait Paul Ray and the Cobras. Bon, bref, du haut de ses 16 ans, elle a été complètement subjuguée, conquise. Soufflée, conquise. Et puis voilà, elle a trouvé sa voix. C'est ce qu'elle voulait faire, la musique qui tire sur le blues et le rhythm and blues. Et voilà, des années plus tard, Cathy and the Kilowatts nous sortent un album, là, ici, en ce début d'année, qui s'appelle Let's Do This Thing. Et on va en écouter un extrait. Allez, Cathy and the Kilowatts qui nous chante Spell It Out. Clear. There's some things, honey, that I need to hear. Cathy et ses kilowatts. c'était Spell It Out. Donc, c'est extrait de son dernier album qui s'appelle, je ne vous l'ai pas dit, Let's Do This Thing. Et on va en passer un deuxième de Cathy. Sa voix, elle est agréable, une petite voix bien fraîche, là, Cathy Murray. Allez, le deuxième, ce sera Rhythm and Whip, Cathy and the Kilowatts. You know you're a shark the way you play after dark. You say your bite is even worse than your bark. You're on a roll now, you finish paying dues. But you've been snoozing, baby, this time you lose. Read 'em and weep, baby. The king of hearts is in my hand. Read 'em and weep, honey. This time I've drawn a better man. Your story always changes. The one thing remains the same. Someone else is at fault. You are never to blame. You're starting to flush, honey. Getting red around the neck. You must be crazy. You ain't playing with the full deck. Freedom and weep, baby. The king of hearts is in my hand. I've drawn a better man. I drew a better man. Me around. You know that ace up your sleeve, it ain't gonna keep me down. You cheated and you lied, because you're no good cat. One thing you can't deny, it's time to take a stand. Read 'em and weep, baby. The king of hearts is in my hand. This time I've drawn a better man. I drew a better man. Ooh, I've drawn a better man, baby. I shuffled that deck, darling. Yeah, I threw you right back into the pot, honey. C'était Mademoiselle Cathy and the Kilowatts, extrait de leur album là, de 2017. Cet album, c'est Let's Do These Things. Et on vient d'entendre Rhythm and Whip, Cathy and the Kilowatts. Ben voilà. Et ben voilà, ce Telling You se termine. On vous rappelle que vous pouvez retrouver les dates d'agenda, les émissions en podcast sur notre site piqueblues.fr. Depuis la semaine dernière, vous pouvez également réécouter notre émission sur le site de la radio, www.rqc.be. Avant, il y avait juste la playlist et maintenant, il y a également l'émission à réécouter. qu'on vous retrouve tous les jeudis avec plaisir. Et d'ailleurs, la semaine prochaine, nous aurons un invité, puisque Jean-Pierre, le programmateur et le propriétaire du Queensland, de cette péniche qui est amarrée sur la Deule à Haubourdin, donc près de Lille, dans le nord de la France. Au Bourdin, donc oui, il programme des concerts du blues, mais aussi du jazz et plein d'autres choses. Il viendra bien sûr nous présenter sa programmation blues et le prochain concert qu'il fait, c'est le samedi 10 juin avec Tom and the Tone Masters et il viendra expliquer ce qu'il aime et vous présenter la musique qui le fait vibrer. Jean-Pierre est saxophoniste, donc je suppose qu'il y aura pas mal de cuivre dans ce qu'il nous ramènera.